On dirait qu'on s'y est en 1996, Donny Hines, It's All Right. C'était la même année, Boris, soirée disco, forcément, ça vous rappelle des bons souvenirs. Bah ouais, c'était ça. Vous vous rappelez ça? Ah là là, qu'est-ce qu'on a fait la fête là-dessus en club 96. Ah ouais, soirée disco. Bah j'espère que Boris, il est chez lui ce soir. On va l'appeler tout de suite, direction Boris. C'est parti, ça numérote sur le portable. Eh bah ça sonne, c'est déjà la bonne nouvelle. Voilà, c'est la bonne nouvelle. Vous vous rappelez de ce tube? Ouais. Allô, ce soir, Boris est chez lui ou pas? Oh oui. Bonsoir, je t'appelle comment, Philippe ou Boris? Fabien. Fabien. Comment tu vas bien aujourd'hui? En pleine forme. En pleine forme. Et je disais aux auditeurs, ça, ils s'en rappellent. C'est ce que nous dit Mathieu sur Facebook. Oh putain, j'ai dansé là-dessus pendant des années. Et tu as fait danser la France entière, la Belgique entière. Boris, comment est venu ce nom justement de Boris? Boris est venu, en fait, je m'inventais un petit personnage imaginaire quand j'étais à la radio, qui existe encore, la radio qui s'appelle Galaxy, qui faisait que de la techno au début des années 90, chose rare. Je m'inventais un petit personnage, mais je ne lui ai pas vraiment donné de nom. Et un jour, un auditeur arrive derrière moi, voulait une dédicace, chose que je ne faisais pas, on faisait plus de dédicaces, je trouvais ça un petit peu has-been, ringard. Et puis, bon, il insiste, et puis, au bout de 10 minutes, je vois qu'il s'en va pas, il reste, et je dis, écoute, il avait, à l'époque, il avait une sorte de Walkman FM, tu sais. Ouais, c'est ça, avec les écouteurs Orange. Un baladeur où il pouvait entendre la FM, et j'ai dit, écoute, rentre chez toi, il était pas trop loin de la radio, et puis tu vas entendre ton nom, je vais le mentionner. Et j'ai commencé à raconter une histoire très longue de 3 minutes où il m'avait dit, bien sûr, je m'appelle Boris. Et j'ai dit, écoute, je vais parler de toi. J'ai raconté n'importe quoi. Ouais. Sur, sur un fond de musique trans. Mm-hmm. Et puis, c'est passé comme ça. Moi, le soir, tu sais, quand on était animateur radio, à l'époque, on s'enregistrait. On enregistrait ça sur cassette. Ouais, et puis, ce qu'on faisait, et j'ai écouté la voiture, en rentrant, j'ai dit, et ça rend bien ce que j'ai fait. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque on enregistrait même les jingles de radio, les grosses radios énergie, tout ça, on ramenait ça à la maison, on était contents. Voilà. Et j'ai recommencé un petit peu tous les soirs sur fond de musique trans. Et de là, ben, j'avais récupéré plein d'histoires que j'avais enregistrées sur cassette et je les ai proposées à un producteur qui a trouvé l'idée amusante. Donc, on a refait toutes les musiques, on a repris des thèmes un peu, qui était bon dans toutes les histoires que j'avais dit. Et puis, le soir disco est devenu le hit phare de l'album, en fait, de Boris. Soirée disco, c'est ce que me dit Edwige. Alors, Edwige, à ce tube, j'ai dansé là-dessus pendant quelques années. Boris, soirée disco, j'avais un pote qui s'appelait Boris, j'arrêtais pas de le chambrer avec ça. Et ça fait marrer maintenant, mais c'est toujours d'actualité. C'est vrai, dans les soirées, on a toujours un Boris qui traîne. On le demande en club encore, hein. Ben, j'ai l'impression qu'il y a un retour en arrière, comme il y a le retour des années 80. Maintenant, automatiquement, t'as le retour des années 90, parce que les mecs qui ont été fans des années 90, ben, t'en as qui approchent la quarantaine. Ouais. Étaient aussi des jeunes avec leurs parents écoutés. Et puis, moi, je le vois sur les réseaux sociaux comme TikTok, par exemple, où il y a plein de vidéos où des jeunes qui étaient même pas nés à l'époque, qui ont 17-18 ans, font des délires sur Soirée Disco. Ça, c'est génial. Il y a des jeunes qui écoutent. Il y a Virginie Martel, elle a 23 ans. Elle me dit, moi, j'adore Boris, Soirée Disco, je fais des chorés chez moi. C'est énorme. Et j'ai vu justement... Oui, parce que c'est un petit peu intemporel, tu vois. Il y avait cette façon de parler un petit peu nonchalant, bizarroïde. Ça reste intemporel, Soirée Disco, le mot disco, pour moi, c'est jamais passé de mode, quoi, tu vois. Ça a c'est été vrai. À la mode, mais c'est plus à la mode, ça revient à la mode. Donc, une soirée disco, ça englobe plein de choses. Ça englobe un délire... une fête, une teuf, n'importe quoi. Quoi. Donc voilà, ça n'a pas trop vieilli parce que le thème est un peu universel, quoi. C'est la danse, la fête, quoi. Et on a un pressentiment un peu avec le confinement que les tubes d'avant, comme notamment Soirée Disco, reviennent et que les gens ont envie d'écouter ça, ou avaient envie d'écouter ça quand ils étaient confinés. Ils voulaient pas des tubes actuels qu'on entend dans toutes les radios, les médias. Ils voulaient se rappeler quelques souvenirs qu'ils ont vécu. Et en plus, dans Boris, c'est vraiment le titre du confinement, parce que quand tu écoutes bien les paroles, c'est l'histoire d'un mec qui est bloqué chez lui et qui ne sort pas. Soit il n'a pas les moyens de sortir, soit il ne pouvait pas, bref, il est bloqué, et Boris est chez lui, et il fait une soirée disco dans le miroir. Donc c'était, bizarrement, le titre du confinement, en fait. Eh, ça n'a pas trop changé, hein, 15 balles d'entrée gratuite pour les filles, c'est un peu toujours ça en boîte, hein. Non mais sérieux. Voilà, alors c'est le seul truc qui a vieilli, c'est les paroles, parce que 15 balles, 15 francs, quoi, tu vois. C'est 15 euros maintenant. À l'époque. Ouais. Pompe blanche, bon ça, il n'y en a plus en boîte, à part les baskets maintenant. Pas de basket, pas de casquette, c'est ce qu'on dit. En tout cas, une belle carrière, toi. Alors toi, animateur radio aussi, tu étais animateur radio. Ouais, j'ai fait de la radio pendant 10-15 ans, moi, hein, ouais. Dans les années 80, où j'ai commencé même avec une émission de hard rock heavy metal, pour te dire. Ah oui, quand même. On en est dans la radio, comme une émission hard rock, ouais, justement. Alors, voilà, malheureusement, le confinement est là, parce que les tournées, pour toi, elles ont continué, et puis là, il y a eu pas mal d'annulations, c'est ce que tu me disais hors antenne. C'est un peu triste, hein, pour le milieu de la nuit aussi, que ça s'arrête comme ça. Bah, c'est très triste parce que je crois que c'est les derniers oubliés, quoi. En fait, c'est nous, les spectacles, et il n'y a pas que les artistes, hein, il y a tous les gens qui travaillent autour des spectacles, hein, tu vois. Bien sûr. Des fois, on dit, ouais, c'est les artistes, c'est pas grave, genre, ils sont riches, quoi, mais t'as des gens qui travaillent autour d'un spectacle, qui vivent d'un cachet, quoi, d'un cachet à 50, 100 euros, quoi, tu vois, c'est hyper important, et tous ces gens-là se sont retrouvés un petit peu dans la merde, et continuent à être dans la merde, malgré le déconfinement, tu vois. C'est ça, ouais, ils ont toujours pas de boulot, pas de reprise, notamment, bah, pour les discothèques, toi. Alors, ton coup de gueule, ça serait quoi, aujourd'hui, pour les clubs qui peuvent pas toujours ouvrir? Après, c'est un peu normal, parce que si on devait ouvrir dans des conditions qui sont pas du tout, honnêtes, on va dire, parce que ouvrir, bah, avec des si gens on assis. Devait ouvrir dans les conditions de la restauration en ce moment, oui, ce serait naze. Ouais, Boris, je t'appelle Boris, j'ai envie. La boîte de nuit, je sais ce que c'est. C'est convivial, on danse, on chante, on crie, on hurle, on se jette dans la foule, on a envie de voir des gens, on s'embrasse. C'est ça la nuit, hein. Ben oui, il y a du mélange. Ouais. Il y a beaucoup de mélange. Ça c'est au Cap d'Agde, il y a beaucoup de mélange aussi au Cap d'Agde. J'ai mixé pas mal. Ah, mais ça, moi je suis jamais allé. Toi par contre oui, mais moi non. Alors après soirée disco, il y a eu Miss Camping. Alors pourquoi Miss Camping? C'était quoi? C'est un peu la suite de soirée disco. C'est... En fait, bizarrement, le Miss Camping n'était pas dans l'album original de Boris. Il est arrivé après, mais en fait dans l'album de Boris, il y avait quand même des histoires qui étaient un petit peu tristes. Il y a des histoires mélancoliques, et la maison dit, s'est dit, attention, vous avez quand même fait rire les gens avec en tout cas sourire, avec ce mini sketch de Soir à Disco, il n'y en a pas dans votre album. Et donc, on s'est mis tout de suite au travail, et moi qui faisais toutes les routes de France dans les discothèques, je me rendais compte que, en dessous de la Loire, à partir des mois de juin, ils organisaient toujours des élections de Miss Camping. Attention, ce week-end, ça va être la folie. Et moi, je me suis inspiré de ça, quoi. Ouais, c'est vrai. Je me suis vraiment inspiré de ça. Je voyais les flyers ce soir dans la discothèque, le Moncamache, hein, et l'élection de Miss Camping. Moi, je me suis complètement inspiré de ça. Et des disques que j'étais d'époque, ils faisaient les animations, quoi. Ça a marché parce qu'il y a beaucoup de DJ qui faisaient leur Miss Camping par rapport à ton titre et qui ramenaient du people et de la foule, parce que c'est vrai que les Miss Camping à l'époque, ça fait sourire un petit peu, mais ça ramenait du monde et on se marrait bien. Il y avait le t-shirt mouillé et tout ça avec, c'était plutôt. Bien sûr, bah, c'est le truc populaire, c'est le truc franchouillard. Moi, j'ai pas honte de le dire. Et puis, ça a fait un buzz dans les campings quand même. Si tu rends compte le nombre de campings qu'il y a en France, et bah, là, ils avaient enfin une chanson pour eux. Alors les tournées pour toi, malheureusement, je le disais tout à l'heure, sont annulées. Tu m'as dit il y a pas mal de dates. Ouais, c'est reporté. Alors, il y a eu des annulations, mais bon, avec notre chance, il y a eu aussi des gens qui ont reporté. C'est-à-dire que des événements comme la fête de la musique, les gens qui avaient pris des artistes, par exemple, ont simplement reporté leur date pour 2021. Ouais. Donc ça va. Mais sinon, il y a les tournées, normalement, devraient reprendre à partir de fin octobre, début novembre. Maintenant, on devrait y voir plus clair quand même. C'est quoi? C'est une tournée officielle, Boris, soirée disco? Moi, j'ai rejoint une tournée, tu vas rire, mais Best of 80. D'accord. Donc, même si c'est 90, ils se sont rendus compte que finalement, commencer à mélanger un petit peu l'année 90 dans les soirées 80, ça ne sera pas une mauvaise chose parce que le public est en train de rajeunir. Mmh. Et que les gens, que finalement, qui écoutaient Gold ou qui écoutaient Début de Soirée quand ils avaient 10 ans. Ah oui, Lutte Folie. Alors, oui, ils se sont rendus compte que finalement, par exemple, un des titres de Gold qui était carton en 1985, s'ils avaient 10 ans à l'époque, ouais. Et ben ils avaient 20 ans à l'époque de Soir Disco, 10 ans plus tard. Donc on pouvait mélanger les artistes et qui n'est pas vraiment de 80 purs, quoi. Tu vois que. et il se trouve que, bon, avec Soir Disco, j'arrive à mélanger pas mal de générations, en fait. On a vu un truc circuler là sur les réseaux sociaux, ça va peut-être te faire sourire ou rire ou pleurer. Il y a eu Jules, le chanteur, tu connais, qui a repris une vieille reprise de Début de Soirée, Nuit de Folie. Je sais pas si tu l'as écouté. Alors oui, je l'ai écouté. Alors, ton ressenti aujourd'hui sur Jules, sur cette reprise? Il n'avait pas besoin de le faire, je crois. Ouais. Mais, Maintenant, si ça peut donner un peu, je crois qu'il est quand même bon vendeur de disques, si ça peut donner un peu de sa scène et de droit d'auteur à chaque fois qu'elle dit, c'est bien. Hein. Ouais. Sacha, ouais, je veux dire, ça je veux dire, si demain, si demain il veut reprendre les ventes de soirée disco, qu'il le fasse. Hein. Ouais, t'as eu des propositions, toi, pour reprendre soirée disco, des grands qui t'ont appelé, disant, oh, j'ai envie de faire un remix, j'ai envie de faire ça avec toi, ou ça t'est... On apparaît parfois dans quelques génériques, dans des bouts de films, des choses comme ça, mais pas, il n'y a pas eu de proposition de reprise, sévère, quoi, ou en tout cas intéressante. Alors, l'été va se passer comment pour toi, Boris? L'été, il va se passer, je vais faire mon potager. Voilà. Un beau potager, c'est une bonne idée. Là, je croyais que j'allais pas pouvoir m'en occuper, et finalement, avec ce qui s'est passé, je vais avoir un très très beau potager. Et ben voilà. Et ben en tout cas, on te remercie sur Radio Arc-en-Ciel Orléans 96.2 de nous avoir consacré ce petit quart d'heure d'interview. Ça m'a fait vraiment plaisir. Ouais. Avec grand plaisir, en tout cas. Attends, il y a Antoine qui te dit salut, merci pour tout ce que tu as fait pour nous dans les années 90. Voilà, c'est un petit. Merci à vous. En fait, je me rends compte de toute façon quand on tourne, mais n'importe quoi, hein, qu'on soit dans un Zénith ou dans une fête de campagne, que les gens sont encore là, et puis que je rencontre plein de mots gentils, de gens qu'on a fait danser, c'est ça qui est bien, la nostalgie est là, elle est toujours là, et c'est très important. On les rencontre souvent, on est très heureux d'avoir leurs anecdotes, tout ça, de ce qu'ils faisaient à l'époque, et comment ils ont découvert le titre, c'est génial. Eh ben, merci à toi, en tous les cas, on te souhaite plein de belles choses, et puis une reprise très très rapide aussi, du spectacle, de la scène, parce que t'aimes ça, la scène aussi, hein. Voilà, ça va bien se passer. Je crois que ça va bien se passer. L'avenir va être beau, je crois. Eh ben, bel avenir à toi. Et puis, on va s'écouter Boris, si tu veux, soirée disco. Allez, n'hésite pas, soyons fous. Salut, merci à toi. Belle soirée. Bisous, ciao. Ciao. Ce soir, c'est 15 balles d'entrée. Hein. Attention, Boris danse. Ce soir, Boris, événement, c'est soirée disco. Boris, on peut l'appeler ce soir, il s'en fout. Il a démangé le téléphone. Ce soir, chez Boris, c'est soir à disco. Go, go, go, show Boris. Chez Boris, ce soir, c'est soir à disco. Chez Boris ce soir, entrée 15 balles gratuit pour les filles. Chez Boris ce soir, poule à facette, pantalon pas de dev, spotline c'est soir à disco. Allez, danse Boris, danse. The difference is in the mix with DJ Boris. Moi, franchement, ça rappelle le meilleur des souvenirs. Ça, il était avec nous au téléphone en interview. Ça m'a fait plaisir de l'avoir. Il nous a accordé ce petit quart d'heure d'interview pour les meilleures années des années 90. C'était Boris sur Radio Arc-en-Ciel au téléphone. Et merci du fond du cœur. Il va nous envoyer un petit message. Ça nous touche vraiment.